Les naufrageurs de la Pointe du Raz par Armand Dubarry. Chapitre 1er. L'auberge de la Croix-Blanche. Par Saint-Elme, il faut que les poules piquées m'aient jeté un sort. Depuis 2 mois, je n'ai pas pris pour un écu de sardines. Je n'ai pas ramassé pour un liard d'épaves. Si cela continue, je mourrai de faim. Ah, bonne Vierge de Rumangol, Vierge de Tauromède, vous seule pouvez me tirer du guignon où je suis plongé. Je vous promets un vœu, assistez-moi. Un monde m'a parlé l'autre jour d'un coup de fortune dont nous devons causer ce soir. Qu'est-ce que cela peut être? Un coup de fortune, brrr, ça donne le frisson. Et Floc, renfonçant son chapeau de paille sur sa tête, accéléra le pas en serrant la poignée noueuse de son pen basse et en grommelant, dans le dialecte bas-breton le plus coloré, des phrases sans suite et les 3/4 du temps insaisissables. Il était 3 heures de l'après-midi. Le ciel roulait des nuages blancs. La brise était douce. La journée belle pour la saison. Le soleil se tamisait à travers les ramures des chênes. Les fauvettes chantaient dans les ajoncs. Les cloches tintaient au loin. Le vent portait des bruits confus d'éclats de rire, de joyeuses chansons. On était en octobre 1784. Le chemin que suivait Floc allait de Pontcroix à Douarnenez. C'est dans la direction de cette dernière localité qu'il marchait. Au bout d'une heure, il arriva devant la jolie église de Plouaré, dont le clocher hardi semble menacer le zénith, et quelques minutes après, il atteignit les premières maisons de Douarnenez. Il y avait ce jour-là pardon aux portes de la ville, à l'occasion de la fête d'une vieille chapelle bâtie au commencement du XVIe siècle par des pêcheurs en l'honneur de saint Corentin. La tradition voulait que le saint, renouvelant la pêche miraculeuse de l'Évangile au profit de 2 pêcheurs du pays qui, sans le connaître, lui avaient offert du pain blanc et de la crème alors qu'il tombait de besoin, eut fait prendre en un jour à ces pêcheurs, à 100 brasses de la jetée, autant de sardines qu'ils en avaient pris tous les deux depuis qu'ils couraient la bouline. En reconnaissance, les pêcheurs avaient bâti une chapelle au saint. Celui-ci, enchanté, s'était manifesté plusieurs fois dans la chapelle et au bout de quelques années, le pardon du petit sanctuaire attirait presque autant de visiteurs que les pardons de Saint-Jean, près de Plougastel, de Saint-Éloi, près de Landerneau ou de Rumangol. Brûlée en 93, la chapelle n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. Heureusement, les gens de Douarnenez et Saint-Corentin possèdent encore assez d'églises dans l'arrondissement de Quimper pour ne pas en souffrir. La foule était tellement compacte dans un rayon de 200 toises autour du sanctuaire que Floc dut jouer des coudes et de ci de là du pen basse sur les orteils de certains paysans obstinément ancrés à leur place pour se frayer un passage. Rien de plus bruyant, de plus rutilant que ce faubourg de Douarnenez à ce moment. Les 1000 costumes variés des Finistériens y mariaient leurs vives couleurs. Ici, c'étaient des habitants de Morlaix avec leur juste au corps vert, leurs pantalons blancs, leurs gilets bleus, leurs ceintures rouges. Là, des Dolésiens à la veste de flanelle blanche, à la culotte violette. Plus loin, des gens de Plougastel, en veston violet, en culotte rouge, des pêcheurs d'Audierne avec leurs vestes bleues, leurs chapeaux de paille, des meuniers de la vallée de Châteaulin vêtus de blanc, des fous nantaises, droites, souples, fortes, superbes, avec leurs chemisettes blanches et leurs corsets de velours, sur le patron duquel on dirait que les paysans de la campagne de Rome ou de la terre de Labour ont taillé leurs busteaux. Des filles de Douarnenez habillées d'écarlate, de jaune, de violet, coiffées d'un bonnet plat et chaussées de souliers découverts. Des femmes de carré, avec leurs lourdes robes rougeâtres à boutonnières bleues et leurs petits chapeaux couverts de chenilles bariolées. Puis, des mendiants appuyés sur de longs bâtons blancs, la main dans la besace, psalmodiant leur plaint d'une voix traînante. Et dans les auberges, les cabarets, sous les tentes dressées le long des routes, des familles de pèlerins mangeant des fruits, des petits pains blancs, buvant de l'eau-de-vie en compagnie de marchands normands actionnés à leur proposer le troc de leurs longues chevelures contre des mouchoirs de cholet ou des étoffes rouennaises. Enfin, brochant sous le tout, le marguillier de la chapelle vendant à la criée les poules, les agneaux, le beurre, le miel, le blé, le chanvre, offert depuis le matin à Saint-Corentin, et 3 sonneurs, montés sur des barriques vides, dressés en forme d'orchestre au milieu d'un champ de trèfle fraîchement fauché, faisant danser au son de leur hautbois, de leurs binious, de leurs tambourins, des passe-pieds, des jabadaques aux garçons et aux filles groupées autour d'eux. Floc se découvrit, se signa devant la chapelle, fit une génuflexion, marmotta un pater, et continua sa route jusqu'à l'auberge de la Croix-Blanche, la meilleure de Douarnenez, où du reste, les auberges n'étaient pas nombreuses. La porte en était ouverte, la grande salle du rez-de-chaussée regorgeait de buveurs, déjà enluminés et chantant à tue-tête, les uns des complaintes de matelots, les autres des Noëls, des refrains de meuniers ou des cantiques. Floc entra et jeta un coup d'œil autour de lui. Un homme fumait dans un coin, les coudes appuyés sur une table, une fiole d'eau de feu devant lui. « Bonjour, maître Hamon, » lui dit Floc en s'avançant. « Ah, c'est toi ! » fit l'homme d'un air satisfait. « Je t'attendais. Mathurine ! » continua-t-il en appelant la servante. « Un verre !» Floc essuya du revers de sa manche la sueur qui perlait sur son front, s'assit et but avec une visible satisfaction un trait d'eau-de-vie. « Orsa, » dit-il en faisant claquer sa langue sur son palais, « qu'est-ce que vous avez à me dire ?»« Des choses qui t'intéresseront, mais que seuls toi et moi devons savoir, » répliqua Hamon en lançant un regard significatif dans la direction des groupes les plus rapprochés de lui. Floc comprit, baissa le ton, cligna de l'œil, avala une gorgée et attendit. Hamon était un homme trapu, d'une cinquantaine d'années, à la figure bourgeonneuse, aux yeux de chat, au front bas, à l'aspect rébarbatif. Il passait pour le poissonnier le plus retors de Douarnenez, tenait magasin de Saumur, accaparait une partie de la rogue, la pas nécessaire pour la pêche de la sardine, que les navires norvégiens apportaient dans le port et la revendaient aux pêcheurs de la ville ou des environs à des conditions souvent ruineuses pour ceux-ci. Il expédiait, bon an mal an, à des négociants de Nantes, de Rochefort, de La Rochelle, de Bordeaux, un millier de barils de sardines. Riche, avide, peu scrupuleux sur les moyens de garnir sa bourse, on disait généralement qu'il était des quatre évêchés, et on lui appliquait le proverbe connu « voleur comme un léonard, traître comme un trégorois, sot comme un vanetet, brutal comme un cornouillet ». Qu'est-ce que tu penserais de 1000 réals qui de ma poche passerait dans la tienne ? Fit-il après avoir trinqué sans boire et en lançant à Floc un regard moitié interrogateur, moitié narquois. « Pertuse ! » balbutia Floc, visiblement ému, ça dépend. De ce qu'il faudrait que tu fisses pour cela, presque rien. Ce que tu fais une partie de l'année sur la côte avec les gens d'Audierne, de Plobinec, de Plovan, avec les gens de Penmarche et de la Pointe du Raz. Ah ah, dit Floc, se grattant la tête, écarquillant les yeux. Et qu'est-ce que je fais une partie de l'année avec ces gens-là? Hamon remplit les deux verres, trinqua, but, remit sa pipe à sa bouche, et se caressant le menton, « Ton avenir m'intéresse, » dit-il. « Tu as 25 ans, tu n'es pas bête, tu es solidement bâti, capable d'en rendre des points à Jean Causeur. Tu dois réussir avec un peu de bonne volonté. Les 1000 réals que je te propose te permettront de t'arrondir, d'acheter une seconde barque de pêche, je t'aiderai pour cela, et de courir d'heureuses bordées sur le Louvre de la fortune. Je ne te demande en échange que l'échouage sur la côte d'Audierne ou à la pointe du Raz, d'un vieux 3 mois pourri, frété par le diable et monté par des hérétiques. « Comment ?» demanda Floc, intrigué. « Je serai franc avec toi, » poursuivit Hamon sur le même ton. « Notre port reçoit tous les ans, tu le sais, une douzaine de navires norvégiens chargés de goudron, de planches de sapin et de rogues pour la pêche de la sardine. Parmi ces navires, il en est un commandé par un forban qui ne croit ni à Dieu, ni à la Sainte Vierge, ni à l'Enfant Jésus, ni à Saint-Elme, ni à Saint-Gildas, ni à Saint-Corentin, ni à Saint-Jean-du-Doigt, ni à rien, et que je serais content de voir avaler sa gaffe. » Floc se signa effrayé. « Pour qu'il dérape sans retour de notre baie, il suffit que son bateau échoue, à la pointe du Raz, par exemple. L'idée est bonne, mais s'il a l'habitude de nos parages, il saura éviter les écueils. » D'autant que pour retourner à son point de partance, c'est vers le cap de la Chèvre, à l'opposé du Raz de Saint, qu'il doit passer. Il ne retourne pas à son point de partance. Il avait comme chargement, lorsqu'il est arrivé, 400 tonneaux de rogues et de goudron. Je lui en ai acheté 200 qu'il a cédé à Kernenel, le poissonnier de Concarneau, et qu'il doit livrer dans ce port. Or, pour aller de Douarnenez à Concarneau, il est indispensable de doubler le Raz de Saint et les roches de Penmarche. Oui. Après avoir livré à Concarneau ce qu'il reste de rogues et de goudron, il est obligé de revenir à Douarnenez, par la même route, pour y prendre un chargement de sardines que je lui ai vendu et qu'il se propose de porter à Nantes, où il le troquerait contre des tissus et des toiles. Il passerait donc 2 fois en vue du plateau de Pénor et des rochers de Plogoff, comprends-tu ? Et Hamon alluma sa pipe tout en tenant ses yeux fixés sur les yeux de Floc. « Mais le pilote ? » demanda celui-ci. « Il te secondera. Vous l'avez acheté ?» Hamon ne répondit pas et but une gorgée d'eau de vie. Floc se gratta le front. puis après un moment d'hésitation, « Ainsi vous voulez que le navire de votre forban vienne à la côte ?»« Qu'il s'y brise, et que son équipage disparaisse. » C'est une grosse affaire. Une affaire qui exigera le concours de tous les habitants de Plogoff, en supposant que le navire donne de la bande à la pointe du rat. Et le pilote, que deviendra-t-il dans la bagarre ? Il se sauvera à l'aide d'une bouée préparée à l'avance. Mais, demanda naïvement le gars, pourquoi voulez-vous la perte de ce Norvégien ? Je t'en ai dit assez, répliqua sèchement Hamon. Si le marché ne te convient pas, un autre s'en chargera. Il ne manque point de gars à Plogoff qui serait enchanté de gagner 1000 réals, sans compter les épaves. Flock sentit la force de ce raisonnement, se consulta pendant 10 secondes, enfin dit à Hamon. Touchez-la, c'est conclu. Bien, fit ce dernier en lui frappant dans la main, suivant l'usage breton. Maintenant, allons voir le navire, qui se balance à l'entrée du port, car il mettra la voile demain ou après-demain, et il faut que tu le connaisses. Les deux hommes se levèrent. Hamon paya la fiole d'eau-de-vie, bourra sa pipe, l'alluma, et suivi de Flock, sortit de l'auberge, où les consommateurs avinés faisaient un tapage d'enfer. Le jour baissait. Le Pardon était dans toute son animation. Le port était calme, désert. Le trois mâts norvégien semblait dormir au mouillage. « Le voilà !» fit Hamon, l'indiquant de la tête. « Je le reconnaîtrai !» dit Flock à mi-voix. « Soyez tranquille, il est signalé désormais, par Saint-Elme. S'il va jusqu'à Concarneau, il ne reverra pas d'où Arnenez, je vous en réponds. » Hamon regarda Flock dans le blanc des yeux, puis, lui serrant le bras. « Veux-tu gagner 200 réals de plus ?» lui dit-il vivement. « 200 réals, ça ferait 1200 ?»« Oui, si je le veux. » « Chut, dans ce cas, que le pilote ne revienne pas. Tu m'as compris, Jésus ? As-tu peur ? Non, mais quoi ? Rien, répliqua Flock d'un ton résolu. « Vous serez servi. Préparez vos réals. Elles sont prêtes, ainsi qu'une vieille bouteille pour les arroser. » Hamon remonta avec Flock un sentier rocailleux débouchant sur le quai, s'entretint encore à voix basse avec lui pendant 2 minutes, lui dit au revoir et reprit le chemin de l'auberge de la Croix-Blanche.